إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. رواه أحمد في الزهد وحسنه الألباني. Donc le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit: Salah awwali hadhi ummah. Alors salah, c'est le masdar du verbe salah yasluhu, donc il est salih, le fait d'être bon, d'être saint, d'accord. Donc le fait que le premier de cette communauté, donc la première génération, les premières générations de cette communauté, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était bonne. Salah awwal hadhihi al-umma, c'était par quoi? Par quelque chose? Bizuhdi wal yaqin. Par le zuhd, et le zuhd, c'est ce qu'on peut traduire en français par l'ascétisme, c'est-à-dire le détachement de ce monde. D'accord? Ne pas vouloir la dunya de ce monde. Le zuhd. Wal yaqin, c'est quoi l'al-yaqin? C'est la certitude. La certitude en la religion d'Allah Azza wa Jalla. La certitude avant tout en Allah. Et comme on avait vu aussi, au kalimat al-tawahid, la parole du tawahid, au la ilaha illallah. Avoir la certitude, ne pas avoir de doute, aucun doute. Ce qui met la personne, quand il a ce détachement du monde, et qu'il a la certitude en Allah Azza wa Jalla et en sa religion, il est prêt à tout faire pour la religion d'Allah Azza wa Jalla. Jusqu'à donner sa vie dans le djihad, jusqu'à atteindre l'istishhad, d'accord, devenir martyr. Ces gens qui font ça, ils ont normalement atteint un degré de zur, donc ils ont un détachement de ce monde, et un degré de yaqin qui est très élevé, de certitude en Allah Azza wa Jal. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Rasul Amal Islam, la tête de l'affaire, c'est l'islam. Amoudouhu as-salah. Et son pilier, donc sur quoi se repose l'islam, c'est la prière, salah. Wa zarwati sanamihi al-jihad. Et le summum, d'accord, le plus haut point de l'islam, c'est quoi? C'est le jihad. Comme on a vu, le jihad, c'est la perfection du wala wal-bara. Quand quelqu'un qui fait le jihad, donc il va pour tuer et se faire tuer, il a atteint un degré de zurd et de yaqin, d'accord. Allah Azza wa Jalla dit par exemple: Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi annahum al-jannah. Allah a certes acheté aux croyants leur personne, leur corps, d'accord, et leurs biens, bi annahum al-jannah, parce qu'ils auront en échange de ceci le paradis. Comment se fait cette vente entre nous et Allah Azza wa Jalla? Allah nous a achetés, alors qu'en plus nos corps et nos biens lui appartiennent, et pourtant par son énorme rahma, miséricorde et bonté, il nous l'achète et on a le paradis. Mais comment va se dérouler cette vente? Yuqatiluna fi sabilillah. Ils combattent par les armes, yuqatil, bien qatala, combattent par les armes jusqu'à ce qu'il y ait la mort, fi sabilillah, dans le chemin d'Allah, pas dans le chemin du tarout ou autre. Allah Azza wa Jalla dans ce verset, pour bien préciser c'est quoi le qital, le combat par les âmes, il dit après: Fayaqtuloun wa yuqtaloun. Alors ils tuent et se font tuer. Donc quelqu'un qui part au djihad, il va pour tuer et pour se faire tuer. D'accord? On n'est pas dans les armées de koufar qui vont pour tuer, mais pas pour se faire tuer. On y va pour tuer et se faire tuer. Je reprends le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Salah awwali hadhihi al-ummati bizuhdi wal yaqin. Donc le fait que le premier de cette communauté était bon, c'était par le zuhd L'ascétisme, le détachement de ce monde, wal yakin, la certitude. Et ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Wa yahliku akhiruha bil bukhli wal amal » et se perdra, donc il sera perdu, le dernier de cette communauté, la dernière génération, bil bukhl, par quoi? Par l'avarice, al bukhl, wal amal, et l'amal, c'est le fait de désirer quelque chose, mais sans vraiment faire les causes, d'accord? Donc, dans l'espérance. Espérer que Allah nous pardonne, etc., qu'on nous fera rentrer au paradis, mais en fin de compte, ce ne sont que des espérances, mais il n'y a pas de véritables causes qui sont faites, pas de véritables actions qui sont faites pour atteindre cette espérance. Al-amal, c'est al-raja, l'espérance. La majorité, quand on utilise le mot al-amal en arabe, c'est pour donner l'espérance, mais comme je viens de le dire ici, c'est la majorité de son utilisation de ce mot, c'est quand on espère une chose qui est pratiquement impossible ou très difficile de l'avoir. Donc quelqu'un qui ne fait pas de bonnes actions, qui ne fait que des mauvaises actions, qui ne fait pratiquement rien, voire rien, et qui espère que Allah Azza wa Jal lui le pardonnera, etc. Son espérance, c'est une espérance qui est un peu vaine. Wallahu ta'ala a'lam. Bien sûr, s'il meurt sur le tawhid, en étant musulman, même s'il passe en enfer, il ne restera pas éternellement. D'accord ? Mais ceux qui espèrent avoir un très très haut degré dans le paradis, etc., etc., sans rien faire vraiment, c'est une espérance qui est assez vaine. Maintenant, nous allons prendre le cours de fiqh, inshallah. Et nous étions dans le Hajj, dans le livre du Hajj, Kitab al-Hajj, et là, nous faisons, si je me rappelle bien, on était dans le wajibat de la Umrah ou du Hajj. Vu juste que je reprends ma feuille où j'avais écrit où nous étions arrêtés. D'accord, vous savez bien ça, donc nous étions arrêtés dans Wajibat ou le Hajj, dans les obligations du Hajj. Raïl Arkan, qui ne sont pas les piliers. Salah Satwasha sont de trois sortes. Donc on avait vu qu'il y avait Al-Ihram min al-Miqat, donc le faire l'Ihram, donc de rentrer en sacralisation, d'avoir cette intention, cette niya de rentrer en sacralisation, de rentrer en état de sacralisation pour le Hajj, min al-Miqat, à partir des Miqat. Et on a vu qu'il y avait deux Miqat, Miqat Zamani ou Al-Miqat Al-Makani, Al-Miqat, donc la frontière par rapport à un lieu qu'il ne faut pas dépasser avant. Faut pas dépasser sans avoir eu l'ihram, et aussi une époque où il faut faire du ihram dedans. Ce sont notamment trois mois qu'on avait cités. Shawwal, Dhul Hijja, les dix premiers jours de Dhul Al-Qa'da. Shawwal, Dhul Qa'da et les trois premiers jours de les dix premiers jours pardon de Dhul Al-Hijja. Ensuite, la deuxième obligation, c'est Ramyul Jimal al-Thalas, le fait de jeter d'accord les pierres sur les trois stèles, d'accord. J'avais tout expliqué aussi. Qu'on jette seulement sur une seule stèle, un seul poteau au dixième jour, et le 11, 12, 13 qui sont Imam Tashrik, là c'est sur les trois poteaux, j'ai expliqué tout comment faire exactement, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire qui est obligatoire, bien sûr, parce que dans ce petit livre, on nous cite rarement les choses qui sont sunna, qui sont bien à faire, mais comprenez qu'il y a quand l'imam Abu Shuja rahimahullah cite les choses, c'est comme je l'avais dit au début, ce livre qu'on étudie, c'est avoir le minimum entre guillemets obligatoire dans tout le fiqh, d'accord. Et donc on ne s'attarde pas dans les choses qui sont sunna qui sont donc bien mais qui ne sont pas obligatoires, et c'est tout le reste. Donc par exemple, après avoir jeté les pierres sur les poteaux, le fait de se diriger vers la stèle, d'avoir la Mecca à sa gauche et de dire une doura, ça c'est sunna. Ça, on ne le cite pas ici, mais parce que ce n'est pas obligatoire, si la personne ne le fait pas même volontairement, il n'y a pas de problème. Et ceci, toutes les sunnans, c'est quelque chose qu'on pouvait trouver dans d'autres livres. Troisième obligation, al-halq, ou al-halq, donc c'est le fait de se raser. Ou de taxir, ou de se couper les cheveux, tous les cheveux, d'accord. Et ça, c'est pour les hommes, parce que pour les femmes, c'est seulement se couper tous les cheveux un petit peu. Hein. Voilà, Là, je vais lire une annotation, Inch'Allah. Voilà. Al-Mabit bin Muzdalifa, Wajidun Hatta al-Fajr inda Ahmed. Le fait de Al-Mabit, c'est le fait de demeurer la nuit, hein, de rester dans un endroit la nuit. À l'endroit qui s'appelle Al-Muzdalifa. Muzdalifa ou Al-Muzdalifa. Cet endroit, c'est que quand. Je vais vous expliquer, c'est dommage, comme je dis, qu'il n'y a pas de carte. Mais il y a donc la Mecque. Et à environ 18 km de la Mecque, il y a. 18-19 km, il y a Arafat. Et entre la Mecque et Arafat, on part de la Mecque. D'accord. Avant d'arriver à Arafat, il y a Mina. Après Mina, il y a Muzdalifa. Et après, il y a Arafat. D'accord. Donc, quand on est à Arafat, pour aller à la Mecque, on passe d'abord par Muzdalifa. C'est cet endroit-là. D'accord. Et comme on a vu, il faut, normalement, la personne. On a déjà vu, c'était quoi le rukn d'Arafat et son wajib. D'accord. Mais quelqu'un qui, à Arafat, donc, et qui attend juste jusqu'au Maghreb, et qu'une fois le Maghreb arrivé, il s'en va de Arafat, il va passer par Muzdalifa. D'accord. Et le fait. Donc il sort de Maghreb, donc il va passer par Muzdalifa la nuit. Et le fait de rester à Muzdalifa cette nuit-là, jusqu'au Fajr, c'est-à-dire qu'il va prier le Fajr, il va prier par exemple le Maghreb et le Isha ensemble à Muzdalifa, il va rester la nuit là-bas, il va essayer de dormir, et ensuite jusqu'au Fajr. Et après, après le Fajr, il va aller à Mina, et là il va faire notamment, comme on a vu, jeter les sept cailloux sur la stèle qu'on appelle la Raqaba, d'accord, etc. Ce passage à Muzdalifa, donc le fait de rester la nuit à Muzdalifa, c'est wajib, c'est obligatoire, hatta al fajr, jusqu'au à l'entrée de l'horaire de Fajr, jusqu'à l'entrée de l'horaire de Fajr, c'est obligatoire, inda Ahmed, chez l'imam Ahmed, donc où on trouve ça comme quoi c'est obligatoire dans le mazhab al-Hanbali, d'accord. Amma inda al-a'immat al-thalatha, فالواجب هو الوقوف في ليلة. Quant aux trois autres imams, l'obligation c'est de rester dans la nuit. D'accord. C'est pas jusqu'au fait, c'est de rester dans la nuit. Ensuite, المبيت بمنى وجمع عند الجمهور سنة عند الأحناف. Le fait de rester à Mina, donc après c'est donc rester cette nuit-là à Muzdalifa, il va à Mina. Et il va faire, par exemple, comme je l'ai dit, jeter les pierres sur la stèle, et si possible, il va faire le tawaf, le sa'i, s'il doit égorger, il va égorger, il va essayer de se raser, ou de se raccourcir les cheveux. Et il doit passer la nuit je dis bien, à Mina. Ça, c'est dans le Jumhur, parce que c'est sunna de passer la nuit à Mina chez les Ahnaf, dans le Mazhab al-Hanafi. Et ceci, c'est dans ce qu'on appelle les nuits de Ayam al-Tashriq, ce sont les trois jours qui sont après. En sachant que le dernier jour de Ayam al-Tashriq, donc c'est le troisième jour, ce n'est pas obligatoire. Si la personne s'en va de la Mecque, il fait que les deux premiers jours, et donc le troisième jour, il peut partir. Mais s'il reste à la Mecque, il faut qu'il reste les trois jours. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Tawaf al-Wada'a. Le tawaf de l'adieu. C'est pas le tawaf al-ifada qu'on a vu qui était un rukn. Le tawaf al-wada, c'est quand la personne, une fois qu'il a fini tout son hajj, quand il veut partir, s'il part le dernier jour de tashrik ou une semaine ou deux semaines après, eh bien il va faire un tawaf qui s'appelle tawaf al-wada, le tawaf de l'adieu. Ce tawaf, il est wajib rien al-ahnaf, il est obligatoire chez les ahnaf ou al-hanabila et chez les Hanabi. Donc dans le madhab Hanafi, dans le Hanbali, ce tawaf-là, tawaf de Wada, il est wajib. Vous comprenez, je dis wajib, jusqu'à maintenant, je ne dis pas rukn. Et c'est aussi une version, c'est une version de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, et celui qui ne fait pas, eh bien, il doit un dam, un sang. Ça veut dire quoi un sang? C'est-à-dire qu'il doit une offrande, faire un sacrifice, si jamais il l'a laissé. Donc comme vous voyez, il y a d'autres wajibat, notamment avec certaines divergences pour le hajj. Ensuite, l'imam Abu Shuja a dit wa sunan al hajj sab'un, et les sunan du hajj sont au nombre de 7. Il y a 7 sunan que l'imam Abu Shuja a répertorié qui sont au nombre de 7. Donc là, on comprend par les sunan que ce sont des actes dans le hajj qui sont à l'intérieur même du hajj, mais qui ne sont ni obligatoires, ni des arcanes, ni des piliers. Donc si la personne ne les fait pas, même volontairement, il n'y a pas de péché, il n'y a rien à récupérer. Et, d'accord, il n'a pas de blâme. Le premier sunna, on est dans le madhhab Shafi'i, rappelez-vous, on est dans le madhhab Shafi'i, l'imam Abu Shuja rahimallah a dit « Al-ifrad wa huwa taqdim al-hajj ala al-umra » C'est de faire ce qu'on appelle ifrad, je vais vous expliquer ce que c'est. Et plutôt l'imam Abu Shuja le dit ici, wa huwa taqdim al-hajj ala al-umra. C'est le fait de devancer le hajj ala al-umra. Ça veut dire quoi? Concrètement, l'ifrad, c'est le masdar du verbe afrada yufridu. D'accord, ifradan, wa fa huwa mufrid. C'est le fait de faire, on va dire, un. C'est-à-dire qu'il va, c'est une personne qui va aller au hajj et il ne fait que le hajj. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un hajj et une umra en même temps et il ne fait pas une umra. Et après il va se désacraliser, après il va le 8e jour il va se ou le 9e jour il va sacraliser pour faire le hajj. Non, il y va, quand il y va c'est pour faire le hajj, même si après qu'une fois qu'il a fini le hajj, donc c'est désacralisé, il va faire une umara comme autorisent certains savants. Il sort juste du haram et après de limite de haram il revient, ou par exemple, ça il n'y a pas de problème, il va par exemple à Médine après une fois qu'il a fini le hajj, et après à Médine, et ben après il revient, là il y a aucun problème chez aucun savant, après il revient à la Mecque pour faire une umrah, d'accord. C'est la personne qui va à la Mecque pour faire un hajj. Son intention c'est de rentrer dans le hajj avec une intention de hajj seul. Et c'est sunna dans le madhab Shafi'i parce qu'il y a divergence. Il y a trois sortes, il y a trois manières de faire le hajj. Soit l'ifrad, c'est que la personne y va et il fait l'intention de hajj. Point. Deuxième sorte, c'est ce qu'on appelle al-qiran, c'est-à-dire qu'il va. Et il a deux intentions. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il fait en même temps, il va réunir en même temps le hajj et la umrah. C'est-à-dire qu'il ne va pas se désacraliser tant qu'il n'a pas fait le hajj et la umrah en même temps. Il va mélanger, entre guillemets, je dis mélanger, les deux. Il aura normalement un seul tawaf à faire pour les deux. D'accord? Et il y a le troisième qui s'appelle tamattur. Et ça, c'est quoi? Bah, la personne y va. Il sait qu'il va faire le hajj, mais quand il va, il fait seulement une intention de omra. Donc, il se sacralise pour faire la omra. Dès qu'il arrive à la Mecque, il fait sa omra qui va durer environ une heure, d'accord, parce qu'il y a seulement le tawaf à faire et le sa'i entre Safa wa El Marwa. Et ensuite, il se coupe les cheveux et c'est fini. Et une fois qu'il a fini ça, il est désacralisé, donc il peut utiliser le parfum, il peut s'habiller comme il veut, tout ça, il n'y a pas de problème, jusqu'au 8e jour, ou s'il veut, au plus tard, au 9e jour de Dhul Hijja, et là il se sacralise pour faire le Hajj. D'accord? Et comme dit la grande majorité, pour celui-là qui fait ça, il faut qu'il fasse un sacrifice à la fin. Donc ça, il y a trois manières de faire le hajj par rapport aux intentions et par rapport à est-ce qu'on réunit dedans une umra ou pas et de quelle manière on va réunir la umra. Le deuxième justice al-kiran, c'est quand la personne y rentre et en même temps il va faire le hajj et il va faire une umra et le hajj en même temps, et lui il ne peut pas se désacraliser, d'accord, c'est-à-dire que sa umra et son hajj se finira en même temps, il commence en même temps et il finit en même temps dans une seule intention, donc il ne peut pas se désacraliser. C'est-à-dire que s'il vient deux mois avant le hajj, par exemple, deux mois, il va rester deux mois pendant le hajj avec sans s'habiller de tissu, sans utiliser de parfum, sans mettre quelque chose sur sa tête et tout ce qui est toutes les interdictions du hajj, d'accord, en attendant qu'il finisse les actes du hajj et de la umrah. Donc là on revient à ce qu'a dit l'imam Abu Shuja rahimallah. Donc lui il est Shafi'i, et dans l'imam Azam, comme il le dit, enfin pour lui, dans le madhhab Shafi'i, le sunna, le mieux parmi ces trois manières de faire le hajj. Les trois manières sont bonnes, d'accord, mais c'est quoi le mieux? Il y a divergence, c'est quoi le mieux? Pour lui, c'est de faire l'ifrad. C'est de non qu'une personne, il fait seulement une intention seulement de faire le hajj. C'est tout. Et donc, il peut, quand elle arrive à la Mecque, il ne peut pas se désacraliser, même s'il arrive deux mois avant. D'accord, c'est quelqu'un qui va au hajj au mois de Shawwal, d'accord, au début du mois de Shawwal, il va arriver au un mec, il va pas faire, il est en état de sacralisation, d'ihram, il est muhrim, donc il ne peut pas se couvrir la tête, pas se parfumer, pas s'habiller d'habits qui sont cousus, etc. Et il va rester donc tout le mois de Shawwal, tout le mois de Dhulqa'dah, et quand arrive le mois de Dhulhijja, donc au 9e jour, il va aller, au 8e, il va aller, c'est une sunna d'Al Amina, mais au 9e jour, il va aller à Arafat, après il finit son hajj, et après là, il va enlever la désacralisation. Et il aura fait qu'un seul hajj, il n'aura pas fait un umrah après. Mais une fois qu'il a fait le hajj, comme je l'ai dit, par exemple, s'il va à Médine, et après qu'il veut repasser par la Mecque, il repasse par la Mecque, là, il fait une umrah. Donc ça, c'est le mieux à faire dans le mazhab Shafi'i. Là, je vais lire la parole de l'imam Al-Ghazi, rahimallah, qui est un des savants qui a fait l'explication du livre que l'on étudie. C'est quoi l'ifrad? Il dit bi an yuhrim awalan bil hajj min miqatihi. C'est quoi? C'est que avant tout, la première chose qu'il fait, donc il fait un ihram, donc il rentre en sacralisation dans l'ihram, il a la niya de faire le hajj. Min miqatihi, à partir du miqat, d'accord? Donc de là où il vient. S'il vient par exemple d'Est ou de l'Ouest ou du Sud, d'accord? Il a aux limites qui sont délimitées. Là, il faut qu'il fasse son ihram à partir de ce point-là, ou un petit peu avant. Yafra'a minhu thumma yakhruju min Makkah. Ensuite, il le finit, donc comme je dis, il finit le hajj. Donc, quand arrive le 9e jour, il va à Arafat. 10e jour, c'est là où il va pouvoir faire le tawaf, etc. Jusqu'au dernier jour des 3 jours de Tashrik. Ensuite, il sort de Mecca, c'est-à-dire qu'il sort des limites de ce qu'on appelle Al-Haram, Al-Haram al-Makki. Il a adn al-Hilfa yuhrim bil-Umra wa yati bi-Amina. Ensuite, donc, il va au plus proche de Al-Hil, donc c'est les limites où on n'est plus dans ce qu'on appelle Al-Haram al-Makki, d'accord? Et là, il va faire un Ihram pour la Umra. Wayati bi'Amina, et il retourne à la Mecque pour faire ses actes, les actes de la Umrah, d'accord? Il va prendre ce qu'on fait beaucoup, par exemple, une fois qu'ils ont fini le Hajj, ils demandent à un taxi de le faire sortir de la limite de ce qu'on appelle la Haram al-Makki, d'accord? Donc il va retourner dans le Hil. Une fois qu'il est sorti, il fait son Ihram de la Umrah, et le taxi le ramène et il fait une Umrah. Il y a certains savants qui disent que ceci est interdit. Les autres disent que c'est comme par Al-Razi dit que c'est autorisé. Il se base notamment sur ce que Aïcha a fait, et cette hadith qui est sahih, où Aïcha a fait ceci, par ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains savants disent non, ça c'est seulement pour Aïcha, c'est spécifique. Et les autres disent que le prophète ne l'a pas, n'a pas dit, c'est pour Aïcha seul, et après elle, c'est pour personne. D'accord? Il y a une divergence, oui, donc on peut faire ça de cette manière-là, c'est-à-dire sortir juste du Haram al-Makki et puis revenir. D'accord? Par contre, comme je dis, il n'y a aucun problème chez tous les savants. Si par exemple quelqu'un qui a fini son hajj, il va visiter la mosquée du prophète, salam, d'accord. Et une fois qu'il a visité la mosquée, bah, il en profite justement pour passer le salam au prophète, salam. Et après, il peut retourner, il n'y a pas de problème, il va à la Mecque pour faire une omra. Là, il n'y a aucun problème. L'irtilaf, la différence, c'est celui qui vient de finir le hajj, d'accord, un ou 2 jours après, ou même jour qu'il a fini. Il sort juste de la limite du Haram al-Makki et après il revient pour faire une Umrah. Il y a une divergence sur ceci. Est-ce que ou non c'est autorisé ou pas? Et ceux qui disent c'est autorisé, sachez qu'ils ont un dalil qui est très fort parce que c'est dans le Sahih. Et c'est un accord, donc le hadith c'est le Sahih. Et le prophète ça m'a dit à Aïcha de faire ceci. D'accord? Et ne l'a pas interdit au reste de la communauté. Donc voilà. Ensuite, le deuxième sunna que répertore l'imam Abu Shuja, rahimahullah. Wa talbiya. D'accord? At-talbiya. Donc, talbiya, bah, c'est notamment à partir de quand on rentre en état de ihram, de sacralisation, pour le hajj notamment. C'est le faire d'une doua qui est assez connue, hein, qui est labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika labbaik, la sharika lak labbaik. Inna alhamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Donc le fait de dire ça et de le dire aussi quand on fait pendant qu'on fait le hajj. Ensuite, la troisième sunna, c'est tawaf al-qudum, le tawaf d'arrivée. D'accord? Et là, pensez bien que c'est pas pour celui-là qui est Mutamattir, parce que celui qui fait un tamattour, donc il est Mutamattir, lui, son premier tawaf quand il va à la Mecque, c'est le tawaf de l'Umra. Donc là, on est pour quelqu'un qui fait un ifrad, hein, qui vient à la Mecque pour qu'il s'est mis en état de ihram, de sacralisation, seulement pour faire le Hajj. Quand il arrive au Hajj, il va faire ce qu'on appelle tawaf al-Qudum. Tawaf al-Qudum, c'est le de l'arrivée. D'accord? C'est une sunna chez Abi Hanifa et chez Shafi'i et Ahmed. Et c'est aussi une version, comme quoi c'est sunna aussi, chez l'imam Malik. Rahimahumullah. Mais dans l'autre version de l'imam Malik, c'est wajib. Et c'est aussi une version de l'imam Ahmed. C'est-à-dire que l'imam Ahmed et l'imam Malik ont deux paroles sur ça. Une parole qui dit que c'est wajib, l'autre parole qui dit que c'est sunna. Le tawaf al-Qudum. D'accord? Quand on. Quelqu'un par exemple qui a un état de d'ifrad, qui est moufrid, il arrive à la Mecque, eh bien il va faire ce qu'on appelle le tawaf de l'arrivée. Et ce n'est pas le tawaf de la Umrah, ni du Hajj. D'accord? Ensuite, l'imam Abu Shoura a dit pour la quatrième sunna qu'il a répertoriée, Al-Mabit bi Muzdalifa, comme on avait vu juste avant, le fait de Al-Mabit bi Muzdalifa, donc c'est le fait de passer la nuit à Muzdalifa. Quelle nuit? C'est la nuit que je vais expliquer. C'est quand on est à Arafat, quand le Maghreb rentre, donc là, donc on est rentré dans la nuit, donc là on s'en va de Arafat et on va passer par un endroit qui s'appelle Muzdalifa. D'accord? Cet endroit-là, c'est sunna, comme on a vu dans le Mazhab Shafi'i, d'y rester. D'accord? C'est sunna d'y rester. Pour d'autres savants, c'est wajib. Et sachez que pour le Mazhab al-Zahiri, c'est même un rukn. Ça, c'est dans le Mazhab al-Zahiri. Cinquième sunna, waraqata tawaf, les deux raqas du tawaf. C'est-à-dire qu'après faire le tawaf, c'est sunna de faire deux raqas, donc une prière de deux raqas. Notamment dans ce qu'on appelle Maqam Ibrahim. D'ailleurs, ce qu'on appelle Maqam Ibrahim, là où s'était mis Ibrahim, alayhi salam. Si bien sûr la personne est trop bon quoi, il peut pas le faire dans ce qu'on appelle derrière le Maqam Ibrahim, il le fait n'importe où dans le Majid. Et s'il peut pas non plus, eh ben il le fait dans le haram, c'est-à-dire à l'extérieur de la mosquée. D'accord, il va le faire à l'extérieur de la mosquée. C'est deux rak'a qui sont à faire après le tawaf. Sixième sunna répertorié par l'imam Abu Shoura, rahimahullah, wal mabitu bi Mina, et le fait de rester à Mina. D'accord? Quand le huitième jour de Dhul-Hijjah. Comme je l'ai dit, le 9e jour de Dhul-Hijjah, le 9e jour, c'est là où il y a Arafat. Et la nuit qui était juste qui est avant, c'est quoi? Eh bien, il est sunna de passer la nuit à Mina. C'est pas obligatoire, mais c'est sunna. D'accord? Maintenant, ça, à ce que je sache, il n'y a pas de divergence pour que la nuit qui est juste avant Arafat, et ce qui est la nuit du jour de Arafat, parce que comme vous savez, on compte, quand on est dans le fiqh et dans l'islam, on compte les nuits, la nuit de la journée. C'est-à-dire que là, maintenant, je vous répète, comme je l'ai dit plusieurs fois, à l'heure actuelle où je parle, là, on est dimanche. Depuis le Maghreb, quand l'heure du Maghreb est rentrée, on est rentré dimanche. Là, on est Yom al-Ahad, on est le dimanche, là. D'accord? Et donc, on est dans la nuit du dimanche. On n'est pas dans la nuit du samedi. La nuit du samedi, c'était à partir du Maghreb jusqu'au Fajr passé. D'accord? Donc, quand c'est une sunna de venir le 8e jour, le 8e jour à aller à Mina, et quand rentre le Maghreb, on est dans le 9e jour de passer cette nuit-là à Mina. D'accord? Maintenant, comme je vous ai dit, par rapport aux nuits de Mina, mais pas la nuit du 10, mais les autres nuits qui sont après. J'espère que vous me suivez par rapport aux dates. On va toujours prendre le jour de Arafat comme. Parce que je ne sais pas si vous me suivez très bien par rapport à ça, aux dates. Le jour de Arafat, d'accord, la journée, c'est le 9. Quand on rentre le Maghreb, on rentre dans le 10e jour. Donc, c'est au deuxième jour, d'accord? Et on rentre dans la nuit du dixième. Cette nuit du dixième, c'est sunna, voire wajib, comme on a vu suivant les savants, de passer la nuit à Muzdalifa. D'accord? Ou c'est wajib de passer seulement un coup, de laisser, passer un temps à Muzdalifa, ou de, comme on a vu dans Mazhab Hanbali, de rester jusqu'à Fajr. Ça, c'est, on est dans la dixième nuit. Ensuite, le lendemain, c'est ce qu'on appelle Yom Nahr. D'accord? Et après, les nuits qui viennent après, c'est des nuits qu'on passe à Mina. Et là, ces nuits qu'on passe à Mina, c'est wajib, c'est wajib de passer ces nuits, comme on a vu dans chez les trois imams, sauf, c'est-à-dire, c'est, à la base, dans les trois mazahib qui sont les mazhab maliki, wa shafi'i, wa al-hanbali, et c'est sunna dans le mazhab de Abu Hanifa. Ensuite, l'imam Bouchoujar parle de la septième sunna qu'il répertore, et c'est le tawaf al-wadar, le tawaf al-wadar, donc le tawaf de l'adieu. Parce que la dernière chose qu'on doit faire quand on part de la Mecque, c'est de faire le tawaf, ce tawaf-là, tawaf al-wadar. D'accord? Donc lui, il le met en tant que sunna. D'accord? Et comment dirais-je comme on l'a vu, hein, il y a divergence, est-ce que ce tawaf, tawaf al-wada, il est wajib ou pas. Je vais vous le relire, inshallah. C'est wajib rien al-ahnaf ou al-hanabila. C'est obligatoire donc chez les madame al-hanafi et madame al-hanbali. Et c'est aussi une version de l'imam al-shafi'i, comme quoi c'est wajib. Excusez-moi aussi, pour ce qui ressort de l'imam Abu Shuja, rahimullah, lui, il voit que le fait de demeurer à Mina pour toutes les nuits, hein, pas seulement pour la nuit du 9, mais pour toutes les autres nuits, c'est sunna, comme en fin de compte dit l'imam Abu Hanifa. Mais à la base, dans le Madhab al-Shafi'i, c'est wajib. Inch'Allah, maintenant, je vais vous essayer de vous. Maintenant, je vais parce que. Comme dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas de tableau. Quand on voit ma chafaral, je vais vous répéter maintenant par chronologie le Hajj, comment il se déroule. Donc, le 8e jour de Dhu al-Hijjah, donc de ce mois qu'on appelle Dhu al-Hijjah, le 8e jour, on va à Mina. D'accord ? À Mina. Et c'est Sunna. Et on passe la nuit à Mina. Ensuite, le 9e jour de Dhu al-Hijjah, on va où ? À Arafah. D'accord ? Alors, Arafah, comme on a vu, c'est un rukn. Et pour que le rukn soit valide, il faut au moins rester au moins un instant, un petit moment, soit dans la nuit du 9e jour, ou, ou dans la nuit qui vient juste après. D'accord ? Donc, une fois que le maghreb est passé. De faire un des deux, soit dans la nuit, soit dans la journée, ou soit dans la nuit. Comme on a vu, ça, c'est, là, il y a le rukn. Par contre, comme on a vu, il y avait divergence pour c'est quoi aussi, est-ce qu'il y a un wajib ou pas. Le 10e jour de Dhul Hijjah, eh bien, c'est ce qu'on appelle Yom al-Nahr. Et la nuit de ce 10e jour, donc la nuit du 10e jour, c'est quand donc, on part de Arafah, comme je vous dis, on passe par Muzdalifa et on y reste la nuit. Et une fois que le Fajr est arrivé, du 10e jour, eh bien là on peut faire Tawaf al-Ifada comme on a vu, qui est donc notamment ce 10e jour on l'appelle Yom al-Nahr, et c'est aussi Yom al-Eid, c'est le jour de la fête. Donc on fait la prière. Ensuite il y a le 11e, 12e et 13e jour du Zulhijja qu'on appelle Ayam al-Tashriq. Là je vais m'arrêter ici parce qu'il est déjà 21h05. J'espère que c'est assez compréhensible ce que je dis, parce que c'est assez technique. Et il y a des choses qu'il faut parler par rapport à l'espace et au temps, ce qu'on fait et quand on fait. Inch'Allah, ceux qui l'ont fait, C'est pour être assez clair parce qu'en fin de compte, quand on n'en a jamais fait et qu'on en parle et qu'on étudie, ça paraît souvent assez compliqué, mais quand on y est, en fin de compte, c'est simple. Parce que tout le monde, en fin de compte, on suit le mouvement, il y a vraiment beaucoup de monde, et en fin de compte, c'est assez simple. Mais il faut pas se tromper, notamment pour les arcanes, pour les piliers. Donc je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, parce que j'ai déjà dépassé la demi-heure. Bien que j'avais encore des choses à dire sur ça, mais je vais le dire à demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه